Chapitre 13. Everard, tout éperdu, sortit de la salle et du château. Il marcha quelque temps ainsi, devant lui, sans savoir où il allait, et ne retrouva un peu de calme et de raison qu'en se jetant tout en pleurs sur le gazon fleuri qui entourait sa grotte bien-aimée. 2 heures auparavant, il se sentait si fier et si joyeux. Ses nouvelles pensées l'avaient tant grandi. Une amitié et un amour venaient d'entrer si heureusement dans sa vie isolée. Et tout à coup, un outrage, un seul, l'avait fait redevenir enfant. Il pleurait. Entre l'amour de Rosemonde, dont il avait peur, et le mépris de son père, dont il avait honte, il se sentait seul sur la terre. Château et chaumière lui étaient fermés. Il ne lui restait plus pour asile que son petit vallon solitaire, pour ami que l'ombre protectrice d'Albine, un désert et un fantôme. « Oh, ma mère !» s'écria-t-il en sanglotant. « Comme on nous a insultés tous deux. Ma mère, es-tu là? M'entends-tu encore? Ou bien vas-tu me manquer et me renier, toi aussi? Tu sais cependant comme on m'a maltraité. Ce n'est pas tant l'odieuse injustice de ce soufflet, mais être humilié avec ton nom, être châtié avec ta mémoire, voir ce que j'aime flétri, ce que je respecte souillé, c'est là qu'est la douleur et l'ignominie. Ma mère, conseille-moi. Ma colère est-elle impie? Ma rébellion est-elle un sacrilège? Ma mère, conseille-moi, et surtout, console-moi. Car il est certain que ma souffrance est bien affreuse. » Ses plaintes, ses cris, ses prières s'exhalaient tout à la fois de la poitrine d'Everard, mais les larmes qu'il versait en même temps, les larmes qu'il versait sans cesse, diminuèrent peu à peu l'amertume de son angoisse, si bien qu'il put enfin écouter, regarder autour de lui et s'interroger lui-même avec quelque tranquillité. La nuit était calme et fraîche. Les étoiles brillaient au ciel. Les rayons blancs de la lune s'émiettaient en diamants dans le ruisseau. Les aubépines sauvages jetaient à la brise leur pénétrante senteur. Dans le bosquet sombre, un rossignol ravi chantait cette belle et paisible nature. Tout était joie, amour et extase dans la forêt. Et l'âme d'Everard, délivrée comme par une puissance supérieure des douloureuses pensées qui l'agitaient d'abord, bercée par ses secrètes mélodies, assoupie par ses discrètes lueurs, s'apaisa tout doucement. Bientôt il leva la tête, regarda ce beau ciel, et, à la douce brise du soir, les pleurs se séchèrent sur ses joues. « Oui, ma mère, oui, ma bonne mère, murmurait-il, tu as raison. C'est moi qui ai eu tort de m'affliger. C'est moi qui ai eu tort de regarder ces insultes comme une offense. » L'affront qu'il a voulu te faire, ô sainte, ne pouvait pas plus t'atteindre que la main ne peut saisir cet impalpable rayon de lune. J'étais un fou de me désoler pour un reproche ou un châtiment qui ne me vient pas de toi. Toi, tu m'aimes, ma mère. Oui, je t'entends, oui, je te sens, ma mère, dans cette nuit sereine. C'est toi qui lui imprimes cette chaste et suave harmonie, c'est toi qui en es l'âme cachée. Merci, merci, ma mère, tout s'apaise en moi, parce que je sens que tu n'es point irritée contre ton fils, et que tu le plains et le caresses au contraire. Le bruit du ruisseau, c'est ta voix. La brise, c'est ton souffle. Merci. Encore un mot, encore un baiser, ma mère, avec le vent embaumé, et je m'endors calme et heureux sous ton regard d'ange. » Et en effet, en murmurant ces paroles, l'enfant ferma les yeux, et sa respiration douce et régulière prouva bientôt qu'il s'était endormi d'un profond sommeil. Voyons maintenant si l'on dormait aussi tranquillement au château que dans la forêt. Le comte Maximilien était resté anéanti, foudroyé par cette simple parole d'Evrard, « Je le dirai à ma mère ». Pour son remords toujours inquiet et éveillé, ce mot avait une signification terrible. Qui donc avait enseigné à l'enfant ce « mané tessel fares » d'une conscience troublée? Il était là, se le demandant, debout, pâle d'horreur et les mains tremblantes. Il fit quelques pas en chancelant, puis sonna avec violence et alla tomber dans un fauteuil. Quelques laquais accoururent. « Du feu, des lumières !» s'écria le comte. « Tout de suite, à l'instant même !» Les laquais obéirent. Le feu brilla dans l'âtre, 6 bougies s'allumèrent dans les candélabres de la cheminée. « Allumez aussi le lustre !» s'écria le comte. « Et vous ? » dit-il à un autre laquais. « Courez chercher Evrard et amenez-le ici !» En ce moment, il sentait au fond de son âme tant de terreur qu'il voulait qu'on lui amenât l'enfant. S'il revenait sur son injure, l'enfant, pensait-il, reviendrait de son côté sur sa menace. Mais un instant après, le valet rentra, disant qu'on avait eu beau chercher le jeune comte, qu'on n'avait pu le retrouver nulle part. « Alors, dit Maximilien, faites monter mon secrétaire, j'ai à travailler avec lui. » On appela le secrétaire. Le comte Maximilien, sous prétexte de vérifier les comptes de ses fermiers, le fit rester avec lui jusqu'à 9 heures. À 9 heures, on vint annoncer que le souper était servi. Le comte Maximilien descendit seul, en disant au secrétaire de l'attendre en travaillant. Il lui semblait que la présence d'un étranger dans cette chambre en chasserait les fantômes. Albert attendait son père dans la salle à manger. C'était un grand jeune homme, triste, impertinent, ennuyé et ennuyeux. Le comte était si pâle et si agité qu'Albert le regarda avec étonnement, lui demandant avec plus d'affection que d'habitude s'il ne lui était pas arrivé quelque accident. Maximilien lui répondit gaiement et bruyamment que non, puis il se mit à table, remuant les chaises avec fracas, parlant, riant, buvant et mangeant beaucoup. Un instant, le comte avait eu l'idée de s'enivrer pour fuir la terreur dans l'ivresse, mais il pensa tout à coup que l'ivresse même pouvait enfanter les spectres qu'il craignait. Il cessa de manger à l'instant même et tomba dans une si profonde rêverie qu'il n'entendit pas sortir Albert. Tiré de cette espèce de torpeur par un valet qui lui demandait s'il n'était pas indisposé, il jeta un coup d'œil hagard autour de lui, s'aperçut qu'il était seul à table, s'informa de ce qu'était devenu son fils, puis, apprenant qu'il s'était retiré dans son appartement, il se décida à rentrer lui-même dans sa chambre. Il retrouva son secrétaire devant le bureau et travaillant. « Vous n'avez rien vu ni entendu, Wilhelm ?» demanda le comte en rentrant. « Non, Excellence, » répondit le secrétaire. « Pourquoi ?»« Oh, pour rien, » dit le comte. « Je croyais avoir entendu marcher une seconde personne. » « Monsieur le comte s'est trompé, » reprit le secrétaire. Et il se remit à la besogne. Le comte se promena à grands pas dans la chambre, s'arrêtant de temps en temps devant la porte secrète et la regardant avec une invincible terreur. « Wilhelm, » demanda le comte en revenant derrière le fauteuil du secrétaire, « pour combien de temps croyez-vous avoir encore d'ouvrage ?»« Mais pour 3 ou 4 heures, Excellence, » dit le secrétaire. C'est que je voudrais fort avoir ce travail demain matin. Je puis l'emporter dans ma chambre et passer la nuit dessus. Faites mieux, dit Maximilien. Achevez-le ici. Mais peut-être empêcherai-je monsieur le comte de dormir. Non, d'ailleurs, je me sens un peu indisposé et ne serai point fâché d'avoir quelqu'un près de moi. Je ferai comme il plaira, monsieur le comte. « Eh bien, faites donc comme je vous le dis. C'est ce qu'il y a de mieux, je crois. » Le secrétaire s'inclina en signe d'obéissance, et croyant qu'effectivement son maître était pressé de vérifier les calculs qu'il était en train de faire, il se remit à son travail. Quant à Maximilien, enchanté d'avoir trouvé un prétexte de faire rester quelqu'un auprès de lui, il appela son valet de chambre pour se faire déshabiller et se mit au lit. Malgré toutes ses précautions, Maximilien eut d'abord grand-peine à s'endormir. La chambre était illuminée. Wilhelm était là. Il entendait sa plume crier sur le papier. Mais ses pensées lui tenaient lieu de fantôme. Cependant, une chose le rassurait. C'était la sérénité de cette belle nuit de juin, si différente de la lugubre nuit de Noël, pleine de rafales et de tempêtes. Cette fois, au contraire, un calme profond régnait au dehors. Toute la nature semblait endormie, et, à travers le contrevent entr'ouvert, le comte de son lit voyait scintiller les étoiles. Riant donc de ces folles chimères, et rassuré d'ailleurs par la présence de Wilhelm, le comte, pour ne pas voir la lumière, tira ses rideaux et finit par s'endormir d'un sommeil fiévreux. Il n'eut pu calculer depuis combien de temps il dormait lorsqu'il se réveilla tout à coup en sursaut et sans motif apparent. Il se dressa sur son séant, une sueur glacée au front. Puis, chose étrange, il vit, par l'ouverture de ses rideaux, les bougies des candélabres et du lustre s'éteindre les unes après les autres. Quant à Wilhelm, accablé de fatigue, sans doute, il s'était endormi dans son fauteuil. Le comte voulut crier pour le réveiller, mais la voix s'arrêta dans son gosier. On eût dit qu'une main invisible lui serrait la gorge. Il voulut sauter à bas du lit, mais il se sentit comme enchaîné à sa place. Pendant ce temps, les bougies continuaient de s'éteindre avec une régularité effrayante. Il ne restait plus que 3 bougies allumées. Elles s'éteignirent à leur tour et rendirent la chambre à une nuit complète. Presque aussitôt, le bruit sourd d'une porte roulant sur ses gonds se fit entendre. Le comte se rejeta dans son lit, les yeux tournés du côté du mur et la tête enveloppée dans ses draps. Quelqu'un à coup sûr s'approchait de son lit. Il sentait cela dans l'air plutôt qu'il ne l'entendait. Et, malgré lui, comme dominé par une puissance invincible, il dégagea sa tête de ses draps et fixa ses yeux hagards vers le point d'où la chose venait. Maximilien s'agitait vainement. Il ne pouvait ni parler ni se lever. Il ne pouvait ni chasser ni fuir l'apparition qui le menaçait. Enfin, les rideaux de son lit s'écartèrent. Il resta immobile et pétrifié en reconnaissant l'ombre pâle d'Albine telle qu'il l'avait déjà vue. La fatale visiteuse semblait seulement cette fois plus sévère et plus irritée que la première, et lorsque son impassible regard de statue s'arrêta fixement sur Maximilien, le coupable demeura plus froid que le cadavre son juge, et ses cheveux se dressèrent d'épouvante sur sa tête. Alors, dans le silence de cette nuit étoilée, comme 14 ans auparavant, au milieu du mugissement de l'orage, une voix brève et courroucée retentit. « Maximilien, Maximilien !» dit cette voix. « Tu veux donc décidément oublier les protestations de la mourante et les ordres de la morte ? Ah, tu frappes mon enfant et tu injuries ma tombe ! Prends garde, Maximilien, prends garde ! L'enfant te condamnera, la tombe te punira !» Pour la dernière fois, écoute-moi et tâche de te souvenir et surtout de me croire, car si tu ne croyais pas aux paroles de ma langue glacée, c'est ma main glacée qui se chargerait de te convaincre. » Le comte fit un mouvement comme pour parler, mais avec un geste plein d'autorité, Albine lui imposa silence et reprit. « Écoute, Maximilien, Évrard est ton fils comme il est le mien, ton fils aussi bien qu'Albert. Tu aimes Albert, tu négliges Évrard. Soit, je veille sur mon enfant et n'ai pas besoin de toi pour en faire un homme. Va-t'en si tu veux, quitte ce château si cela te plaît, sans plus songer à Évrard. Retourne à Vienne et à ton ambition, j'y consens. Et je ne t'y autorise pas seulement, je t'y engage. Mais je te défends, au nom du Dieu vivant, de lever la main sur mon fils et de toucher un seul cheveu de sa tête. Abandonne-le, mais ne le menace pas. Indifférent, oui. Violent, non. Tu ne veux pas être son père, ne sois pas son bourreau. Le droit de le reprendre ou de le châtier, tu ne l'as point, et je ne veux pas, moi, que tu touches à mon Évrard. Tu m'as bien entendu ? Maintenant, si tu me désobéis, Maximilien, fais-y attention. Dans ce monde, tu es perdu, dans l'autre, tu es damné. Oui, damné et perdu. La première fois que tu m'as revu depuis ma mort, c'était là-haut dans la chambre de l'enfant. Aujourd'hui, c'est ici, dans l'étage intermédiaire, dans ta chambre à toi, dans la chambre rouge. La fois prochaine, songes-y, ce serait tout en bas, dans ma chambre à moi, dans mon caveau, dans ma tombe. « Horreur !» murmura le comte. « Un mot encore, Maximilien, et je retourne dans ma demeure de granit. Mon âme parle réellement à la tienne, et aucune illusion du sommeil ne t'abuse. Mais tu pourrais, comme il y a 14 ans, te dire en te réveillant le lendemain, « J'ai rêvé !» Or, pour Évrard et pour toi-même, je ne veux pas te laisser à cette fatale erreur, Maximilien. Reconnais-tu cette chaîne que tu as passée il y a 20 ans au cou de ta fraîche fiancée et qu'on a ensevelie 4 ans après avec la dépouille glacée de ta femme? Cette chaîne, Maximilien, en la retrouvant demain matin sur tes épaules, tu n'auras plus le droit de croire que tu n'as eu cette nuit qu'un cauchemar terrible. Tu ne pourras pas retomber dans ton insouciance aveugle et mortelle, car tu verras de tes yeux, tu toucheras de tes doigts la preuve et le gage de ma présence et de mes paroles. Cette chaîne, reçois-la de la morte comme tu l'as donnée à la vivante. » Et ce disant, Albine retirait la chaîne de son cou et la passait au cou de Maximilien, tout inanimé d'effroi. Les lèvres du comte remuaient, mais sans proférer un seul mot. « Et maintenant ?» reprit Albine, « j'ai tout dit. Adieu ou au revoir, Maximilien, souviens-toi. » Le comte n'entendait plus que vaguement ces paroles. Il ne vit pas même le fantôme s'éloigner. Ses yeux s'étaient clos, sa respiration s'était arrêtée. Il retomba sans mouvement sur son oreiller. Couché pendant ce temps sur la mousse du bois, Évrard dormait du sommeil des bienheureux. Le lendemain, quand au premier rayon du soleil, Maximilien se réveilla, ou plutôt sortit de son évanouissement, son premier mouvement fut de porter la main à son cou. Il sentit la chaîne d'or froide sous ses mains froides et devint plus blanc que ses draps. « Wilhelm ! » cria-t-il. « Wilhelm, réveille-toi donc, malheureux !» Wilhelm se réveilla en sursaut. « Qu'y a-t-il, Excellence ? » demanda le secrétaire abasourdi. « Il y a que je veux parler à Jonathas, le garde-chasse. Descendez et dites à un valet d'aller me le chercher à l'instant même. Il faut que je lui parle. » « Et cette besogne ? » demanda timidement Wilhelm. « Est-il nécessaire que je la termine ici ?»« Non, emportez-la dans votre chambre. Je désire être seul. » Quelque diligence que fit Wilhelm pour obéir au comte et le valet pour obéir à Wilhelm, lorsque Jonathas, prévenu que le maître le demandait, entra dans la chambre rouge, il y trouva Maximilien debout et habillé. Son premier mouvement fut de reculer de terreur en voyant le comte si défait et si pâle. Mais Maximilien essaya de sourire. « Jonathas, lui dit-il, approche et ne me trompe pas. Tu étais présent quand on a enseveli ma femme Albine dans son linceul, quand on l'a couchée dans sa bière, quand on a cloué son cercueil. Hélas, oui, monseigneur. Comment était-elle vêtue? De sa robe blanche de noces, et malgré la mort bien belle encore, je vous le jure. Jonathas, as-tu remarqué, as-tu vu qu'elle eut quelque chose au cou? Oui, monseigneur, une chaîne d'or que lui avait donnée votre excellence et qu'elle avait recommandé qu'on lui laissât. Cette chaîne d'or, la reconnaîtrais-tu? Oui, monseigneur. Oui, si elle n'était enfermée sous un triple cercueil de sapin, de chêne et de plomb, scellé par une dalle de marbre. Regarde bien, Jonathas. Est-ce celle-ci? Lui demanda Maximilien. Profanation ou miracle, monseigneur, s'écria Jonathas, c'est celle-là même. Le comte devint plus pâle encore, remit la chaîne à son cou et fit signe à Jonathas de se retirer. Un quart d'heure après, les équipages du comte Maximilien d'Epstein ayant été préparés à la hâte, le comte, accompagné d'Albert, se mettait précipitamment en route pour Vienne, sans demander Évrard, sans se retourner en arrière.